Conte de fées en français. La nouvelle année. C'était la veille du nouvel an et Maurice s'était endormi dans son lit. Soudain, quelqu'un toqua à sa fenêtre. Il grimaça. Hé, Maurice, sors avec moi. Allez, réveille-toi. Mais il ne fait même pas jour. Et il fait hyper froid dehors. Oh, c'est bientôt l'aube et on a encore plein de boulot à finir avant ça. Du boulot? Mais qui es-tu? Et quel genre de boulot tu veux me faire faire à une heure pareille? Je suis la nouvelle année et j'apporte des bonnes choses pour tout le monde. Mais je suis trop petit pour pousser ce chariot tout seul. Tu veux bien venir m'aider? Mais je suis si bien au chaud dans mon lit. Et j'ai sommeil en plus. Oh, on doit vraiment y aller maintenant. On ne peut pas plutôt attendre que le jour se lève. Je te promets que si tu viens avec moi maintenant, tu seras plus heureux que tu ne l'as jamais été avant. S'il te plaît, viens! D'accord. Maurice s'habilla rapidement et sortit de sa maison pour retrouver la nouvelle année qui l'attendait. Hé, joli chariot, c'est écrit « Amour et gentillesse ». Ça fait se sentir bien. Oh, viens avec moi et tu verras comme tu te sentiras encore mille fois mieux. Tu m'aides à tirer le chariot, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, la nouvelle année donna à Maurice une des cordes pour aider à tirer le chariot. Et ensemble, ils remontèrent la rue dans la neige jusqu'à la maison de Joe. C'est la maison de Joe? Il travaille dans notre jardin. Il n'a pas d'enfant. En fait, il n'a pas du tout de famille. Pourquoi on vient ici? C'est exactement pour ça qu'on vient ici. C'est la nouvelle année. Ne doit-on pas offrir à un homme le sentiment que quelqu'un pense à lui? Personne ne mérite de passer le nouvel an tout seul et avec un sentiment de solitude. C'est bien vrai. Alors,